Bonjour Michaela. Bonjour Claude. Comment vas-tu? Ben ça peut aller. Ça peut. Alors aujourd'hui nous sommes le 6 janvier. Nous sommes toujours à Auray et nous allons poursuivre notre entretien du 1er janvier où avec toi Michaela nous avons suivi tout ton parcours de l'Allemagne en Bolivie, de Bolivie en Allemagne. Et là, bon, ben voilà, tu t'apprêtes à revenir en France. Mais au préalable, tu m'as dit avoir oublié un certain nombre de choses la dernière fois. Alors, ben écoute, nous t'écoutons. Ah. Ben, ça te reviendra peut-être un peu plus tard. Je ne sais pas. Où est-ce qu'on s'est arrêté Ben, on s'est arrêté, tu devais rentrer en France. Donc, j'étais en Bolivie. Non, tu étais en Allemagne. Ah. Et tu avais fini ton... Comment ça s'appelle ton école hôtelière en Suisse ou... En Allemagne. En Allemagne. Et je devais partir en France. Et tu devais partir en France. Ouais. Et puis bon. Là, bah, tu m'as dit que tu avais oublié des choses. Alors, si ça te revient pas maintenant... Bah... C'est difficile. Bah, j'ai oublié plein de choses, donc c'est difficile de reprendre le fil. Donc, on laisse tomber. Alors, on laisse tomber. J'espère que ce n'était pas important. Ah ben si, c'était important. Bien. Alors, pourquoi tu es venu en France et tu as voulu venir en France? Bah, je voulais pas. Ce n'est pas que je voulais venir en France, ayant fait une école hôtelière, et que dans les pays germaniques, la langue, il est normal qu'on sache parler français dans l'hôtellerie. C'était un peu la langue internationale chic. Bon, l'anglais, d'accord, mais en plus, il fallait parler français. Donc, comme je voulais apprendre le français. Et en fait, à la fin de l'école hôtelière, je devais aller à Genève. Et puis, j'étais partie avec ma mère en voiture à Genève. Et puis, je devais faire encore un petit cours à l'hôtel hôtelière de Genève. Et puis, arrivé là-bas, on a visité l'école. Et ça me plaisait pas du tout. Les filles étaient en blazer bleu marine, chemisier blanc, cravate, en plein été. C'était tout très strict. Et je dis à ma mère, non, ça ne me va pas du tout, je ne pourrais pas m'habituer. Donc elle a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, moi, je vais chercher autre chose. Donc on est rentré à Munich et après je lui ai dit que je voulais partir en France, aller à l'Alliance française. Pour apprendre le français? Oui. Alors on était en quelle année là? On était en 69, je crois, oui. Ça devait être 69 ou 70. J'ai un doute. Alors, mais c'était... Pour pallier ce doute, tu viens d'ouvrir ton passeport autrichien. Alors, c'est un vieux document que j'ai pu parcourir. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que sur la page... la première page de ce passeport, première page intérieure, il y a un trèfle à quatre feuilles. Ouais. Pourquoi tu as mis un trèfle à quatre feuilles? Parce que un trèfle à quatre feuilles, ça porte bonheur. Voilà. Donc, alors, est-ce que ça t'a porté bonheur? Oui, je pense que ça m'a plutôt porté bonheur. Bon. C'est bizarre. Je pense... Parce que là... Je ne sais plus. En tout cas, ce que je sais... En 1970, je vois sur le document qui s'appelle Curriculum Vitae, dans les écoles, ça. Il y a marqué sur ce vieux document, parce que c'est un vieux CV, 1970-1971, Alliance française. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'Alliance française? D'abord, j'arrive à Paris, et ça, je m'en souviens très bien, parce que je suis arrivée le matin par le train qui venait de Munich, ou plutôt qui venait même de plus loin, puisqu'il venait de Vienne. Et on est arrivé, je ne sais pas, vers 7h30, 8h, à la gare de l'Est. Et là... Quand tu dis « on », c'était... Bah, le train. Ah, le train et toi. Oui, bon. Et tous les gens qui étaient dedans. Nous sommes arrivés. Et donc, je m'étais fait une réservation dans un hostel, rue d'Alésia, dans c'est le 14e. Non, c'était pas un hôtel, c'était une espèce de... Une auberge de jeunesse. Oui, c'était une espèce d'auberge de jeunesse. D'accord. Où il y avait des vieux aussi qui... Ah, bon. Bon, c'était une auberge. Et je prends le taxi, et puis le taxi en met plus de 2 heures pour aller rue d'Alésia. De la gare du Nord. De la gare de l'Est. Gare de l'Est, oui. Donc on traverse, oui, les trains de l'Allemagne arrivent à la gare de l'Est. C'est exact. La Belgique, ça arrive à la gare du Nord. D'accord. Et en fait, bon, je me suis dit, mais c'est grand Paris, mais c'est vachement grand. Mais on n'avançait pas non plus. C'était vraiment touche-touche, une voiture après l'autre. Ça me rappelait le retour de Jones Beach aux États-Unis, à New York, quand on revenait de la plage, parce que c'était pareil. Et j'ai mis presque plus de 2 heures. Et je me souviens, j'ai payé 80 francs. Pour mon taxi. Alors je me disais, non seulement c'est grand, c'est encombré, mais en plus c'est très cher. Voilà. Bon, et en fait, alors... c'était un jeudi avant Pâques. Et il y a tout... Le chauffeur m'a expliqué que tout le monde partait en week-end. Et c'est pour ça que c'était encombré. Les embarras de Paris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Suis arrivée rue de l'Alésia, je me suis installée dans mon auberge de jeunesse et le lendemain... C'était bien? C'était sympa? Je te souviens plus. Je ne suis pas restée très longtemps et je n'ai pas grand souvenir de cette auberge de jeunesse. Mais comme c'était un week-end, le lundi matin, je suis allée à l'Alliance française pour m'inscrire. Et puis, j'ai vu qu'à l'Alliance française, il y avait des annonces pour des gens qui cherchaient de l'aide de filles au père, etc. Et puis, j'ai vu une petite annonce qu'une jeune fille était en train d'accoler sur le tableau. Et puis elle me regarde, et puis je la regarde, et elle me dit « Tu cherches une place de fille au père ?» Je lui dis « Oui ». Et elle me dit « viens avec moi, je vais te présenter ma famille ». Ah, elle était déjà au père Elle était au père, oui. Elle cherchait une remplaçante pour chez elle, et elle me dit « Viens, je vais te présenter ma famille. » Ah, c'est sympa, ça. Donc, elle était suédoise. Je ne sais plus comment elle s'appelait, puisqu'on s'est vu que quelques heures. Et donc, elle m'a amenée à la Madeleine, boulevard Malesherbes. Et on est monté au 3e étage. Puis, elle a ouvert la porte. Et puis là, j'ai vu une femme... assez jeune aussi, oui. Elle était jeune à l'époque, et 2 enfants. Et elle dit à la femme, elle dit, voilà, Papichette, je te présente ma remplaçante. Alors, elle s'appelait Papichette, c'est un drôle de nom, ça. Non, c'était son nom. Elle s'appelait, comme elle s'appelait, en vrai, je ne sais même plus, elle s'appelait Howard, puisque son mari était anglais, et il était directeur de Burberry à la Madeleine, à Paris. C'était aux trois quartiers, ça, non? Non. On avait un magasin qui... Burberry. Au début du boulevard Malesherbes. D'accord. À côté de la Madeleine. D'accord. Donc, elle me regarde, elle me dit, bonjour, tu t'appelles comment? Je m'appelle Michaela. Elle dit, oui, alors, qu'est-ce que tu fais? Bon, elle m'a un peu interrogée et puis, au bout d'un quart d'heure, elle me demande quand est-ce que je peux m'installer. Donc, je dis, quand vous voulez, tout de suite, si vous voulez. Elle me dit, allez, tout de suite. D'accord. Donc, je suis allée chercher mes affaires avec la Suédoise. Et puis, elle m'a montré ma chambre de bonne au 6e étage. D'accord. Et puis, C'était sympa, c'était bien. C'était très sympa parce que je n'avais pas une chambre de bonne, mais trois. D'accord, en enfilade. Oui. D'accord. Mais je n'avais pas de salle de bain. Ah. Alors, je lui demande où est-ce que je prends mon bain. Elle me dit, mais il n'y a pas de souci, tu vas en bas. Il y a deux salles de bain dans l'appartement. Chez nous. Dans l'appartement. Mmh. Et tu prends ta douche, ton bain, quand tu veux, là-bas. D'accord. Bon. Voilà. Donc, me voilà à Paris. Chez Papichette et Peter Howard. Mmh. Et puis le petit, comment il s'appelait, j'ai un trou de mémoire, le petit garçon, Philippe, il s'appelait Philippe, il avait 5 ans. Et Victoria, elle avait à peu près 9 à 10 mois à l'époque. Et en fait, il cherchait surtout une fille au pair parce que les parents de Papichette avaient eu un très grave accident de voiture. Et la mère était décédée et le père était à l'hôpital. Et donc, Papichette allait tous les après-midi passer son après-midi à l'hôpital avec son père, qui était en très, très, très mauvais état. D'accord. Et alors, donc, les enfants de Papichette, Philippe et puis... Victoria. Et Victoria, ils parlaient français ? Oui. Et ils parlaient anglais aussi, sans doute. Victoria, elle parlait pas grand-chose, ouais. Puisque c'était encore un bébé. Et Philippe, il parlait un peu anglais, pas beaucoup, mais... Il parlait surtout français. Il allait à l'école en France. Et il allait à l'école en France, à Saint-Augustin. Donc, tous les jours, je l'ai amené là-bas. Je l'accompagnais à son école. Et puis, l'après-midi, j'allais le rechercher à son école. D'accord. Et puis, sinon, je cuisinais un peu, je faisais un peu de ménage. Mais normalement, une fille au pair, elle doit faire 2 heures de travail par jour. Pas plus, mais il m'arrivait de faire plus. Et puis, la famille était très sympa. Et puis, au début de l'été... Papichette me dit, tu vas aller partir en Angleterre avec les enfants pour visiter la grand-mère, parce que moi, je ne peux pas. Oui. Donc, nous sommes partis en Angleterre en train, avec moi et les deux enfants. D'accord. Et puis, on m'a cherché à la gare de Londres pour m'amener à la campagne. Et c'est là où j'ai vu sur ton passeport, tu avais un passage Dieppe New Haven. Ouais. C'était le passage qu'on prenait tout en train. Tout à fait. On mettait le train sur le bateau. Ouais. C'était toute une affaire. D'accord. Et après, où es-tu étais chez la grand-mère en Angleterre? Bonne question. Je ne me souviens plus. C'était à la campagne. D'accord. C'était à peu près, parce qu'un après-midi, j'ai pu aller à Londres. C'était à peu près à une heure et demie de voiture, en voiture de Londres. D'accord. D'accord. Et puis, là, j'ai fait connaissance du frère de Peter. D'accord. Jonathan, bon, qui était sympa. Et puis, la mère et le père, c'était sympa aussi. Puis, ils m'ont un peu baladé avec les enfants. Et puis, j'ai passé un bon moment. Et puis... Ça restait quoi, 2-3 mois? Ah non, pas autant que ça. On est resté une dizaine de jours. Ah, d'accord. Hein. Et d'accord. Puis, de là, on est rentré en France. Par le train. Par le train, oui. Et puis, après, pour l'été, Papichette me dit, on va partir dans le Poitou. D'accord. Donc, je ne me souviens plus très bien où c'était, mais c'était une maison qui était louée. Qui leur appartenait. Non, qu'ils avaient loué. Ah, qu'ils avaient Papichette loué. Était originaire du Poitou. Mais la famille elle avait grandi en partie à Madagascar. Son père était marin, était capitaine de navire, et puis ils avaient vécu en Madagascar. Et la mère était originaire du Poitou. Donc, avec Papichette, on est parti dans le Poitou. D'accord. Pour un mois de vacances. D'accord. Pourquoi on l'appelait Papichette? Parce qu'elle ressemblait à un petit pape quand elle était bébé. Ah, d'accord. Ok. Bon. D'accord. Et puis Papichette, on avait 9 ans de différence, elle était jeune. Mmh. Et puis nous nous entendions très bien. D'accord. Et puis Papichette, elle me faisait rire parce qu'on était, quand elle sortait faire les courses, elle mettait son imper Burberry. Bien sûr. Et puis, elle n'aimait pas beaucoup s'habiller, s'apprêter, donc souvent en dessous, elle avait que son slip et un t-shirt. Ah oui, d'accord. Bon, c'était l'été, hein. Et oui, parce qu'elle n'avait pas du tout envie de mettre les robes de Burberry, etc. Donc, et puis, c'était vite fait, donc elle enfilait son imper. Et Peter s'étonnait toujours en disant, mais attends, il fait plein soleil, il ne va pas pleuvoir, pourquoi tu mets ton imper? Mm-hmm. Elle dit, si, parce que regarde le ciel, là-bas, il y a un nuage, on ne sait jamais, il va pleuvoir. Et en fait, il n'a jamais su qu'elle était pratiquement à poil en dessous. Heureusement, parce qu'il était très bon chic, bon genre, et que ça ne lui aurait pas plu du tout. D'accord. Lui, il était anglais. Il était anglais. Et elle, française. Oui. D'accord. Ouais. Et alors, ça a duré combien de temps, cet épisode? Je suis restée à peu près une année. Ah, pas plus, d'accord. Non, je suis restée une année et puis après j'ai cherché du boulot. Ouais. Donc tu les as quittés? Oui, j'ai déménagé. Ouais. Et je me suis trouvé une chambre que j'ai partagée avec une copine qui était argentine, qui s'appelait je sais plus où, mais c'était rue d'Assas. D'accord. Et on avait emménagé chez Julie et Georges. Ah. Qui étaient deux Français. Je ne sais plus ce qu'ils faisaient, mais bon, ils étaient plutôt artistes qu'autre chose. Et on avait emménagé là avec ma copine. On partageait une chambre. D'abord, c'était difficile de trouver un logement à Paris. Et puis, on n'avait pas beaucoup d'argent et c'était très cher. Donc... D'accord, mais alors tu gagnais ta vie pour prendre une chambre. Ma mère m'envoyait des sous. Ouais. Et puis, je me suis trouvé un premier petit travail chez Alexandre von Briesen. Ah, qui était ce monsieur? Alors, ce monsieur, c'était un peintre. Et il vivait en face de Dior, avenue Montaigne, dans un grand studio. Avec sa femme et ses 3 enfants. Mais ils vivaient tous dans à peu près dans la même pièce, juste pour dormir. Ils allaient, les enfants avaient une chambre et eux aussi. Et Alexandre von Briesen, il peignait pour la pub. Il était français? Non, il était d'origine russe. D'accord. Mais il était l'enfant illégitime d'une Russe et d'un von Briesen allemand. D'accord. Et il disait toujours, mon père était comte. Mm-hmm. La preuve, il s'était fait graver les armoiries de von Briesen sur sa poitrine. D'accord. En tatouage. Ouais, d'accord. Et donc, ça, c'était sa preuve comme quoi il était comte von Briesen. Parce qu'avant, il avait un nom tout à fait. Russe, peut-être. Non, je ne sais plus. Je sais pas. C'est Joseph Dupont ou quelque chose d'accord. comme ça. D'accord. Et il était né à Berlin. Et puis, il avait fui Berlin quand les Russes sont arrivés. Encore un. En 1945, alors. Oui, ouais, quelque chose comme ça. D'accord. Et puis, il est allé en Angleterre, où il a rencontré sa femme. Et puis, il s'est installé à Paris, parce qu'il voulait, il voulait que ses peintures atterrissent au musée. D'accord. Bon. Donc, il gagnait sa vie en peignant des pubs pour des entreprises, pour faire de la publicité. D'accord. Alors, donc, il avait deux activités. Une activité pour lui de peintre, oui, et puis une activité de peintre professionnel pour la pub. Pour la pub, voilà. D'accord. Ouais. Et ça marchait bien. Moyen, ouais. Mais bon, ça, globalement, ça suffisait pour payer la... C'était pas un billeux. Non, c'était pas un billeux. Et puis, moi, je m'étais présentée puisqu'il cherchait une secrétaire à mi-temps. Donc, ça m'allait bien parce que je pouvais continuer l'Alliance française. Et puis, quand je me suis présentée, il était à poil. Ah. Il avait juste une serviette nouée autour des parties essentielles. D'accord. Et puis, il me fait rentrer, il me dit « ça vous gêne pas ?» Si ça vous gêne, je peux m'habiller, mais d'habitude, je travaille comme ça parce que je me sens à l'aise. Bon, je n'étais pas bileuse, donc je lui dis « non, ça ne me gêne pas du tout ». Il me fait rentrer, et puis il y avait son chevalier avec son tabouret, puis à côté... Son chevalier était aussi un chevalier. Ouais. Et puis, il y avait à côté, il y avait un tabouret aussi, et puis à côté, il y avait un espèce de truc pour reposer ses pieds plus bas. D'accord. Et puis, il y avait des tonnes de dossiers par terre. Alors... Il n'y avait pas de rangement au mur, rien. Non, tout était par terre. Oui, là, tous les dossiers étaient par terre. D'accord. Et puis, il y avait une machine à écrire. D'accord. Sur le tabouret. Et puis, il me dit, voilà, votre travail sera de classer tous ces dossiers. D'accord. Bon. Et puis, vous savez taper à la machine, oui. Et puis, on va écrire des lettres pour les musées. D'accord. Bon. Où est-ce que tu as appris à taper à la machine ? Où est-ce que j'ai appris à taper à la machine ? En France, en Allemagne ? Non, à l'école. D'accord. On apprenait ça quand j'étais avant de quitter le lycée. D'accord. Chez les Américains, on pouvait apprendre à taper à la machine. D'accord. Voilà. Bon. Et puis, il me dit, ça vous va ? Je dis, oui, ça me va très bien. Bon, quand vous pouvez-vous commencer ? Quand vous voulez, lundi, oui, lundi, bon. Combien tu gagnais à cette époque-là, tu te souviens ? Je gagnais, ça devait être 900 francs, quelque chose comme ça. D'accord, c'était bien payé. C'était plutôt bien payé, oui. D'accord. Et puis, j'arrive, il me dit, voilà, le tabouret, c'est votre poste de travail. Donc, je m'asseyais sous le repose-pied. D'accord. Et puis, ma machine à écrire était sous le tabouret. D'accord. Et puis, j'avais tous mes dossiers à côté, et puis lui à côté, avec son chevalier. Et sa peinture. Et donc, j'ai commencé à classer les dossiers, on les a ouverts, on a jetés, et puis il me dit, on va écrire au musée. Et en fait, il a fait une lettre de candidature à tous les musées pour... Français, étrangers. Oui, et aussi en Allemagne, en Angleterre, à New York. Pour vendre cette toile, pour y exposer cette toile. Ouais. D'accord. Et il peignait un peu, c'est une espèce de mélange de Matisse, de Giacometti et de Vasarely. D'accord. C'était très curieux, c'était bien fait, et quand tu faisais des pubs, il savait peindre, il savait dessiner, il savait peindre. D'accord. Et puis donc, moi je tapais tous ces lettres pendant que lui travaillait, et puis... Après, à Paris, on est allé les distribuer chez Danone, chez des entreprises qui avaient besoin de pubs. Voilà, tout à fait. Donc, lui était en voiture et moi, je rentrais dans les entreprises. J'ai demandé où était le bureau du directeur. Et puis, parfois, on me disait, c'est là, sur la gauche. Donc, j'allais, s'il était là, je lui donnais le courrier, la lettre, sinon je lui ai posé sur son bureau. Et puis parfois il disait non, qu'est-ce que vous voulez ? J'ai un courrier, je mettais dans une enveloppe et puis j'ai laissé ça. Et puis on a fait ça Ah, tu étais dans toutes les grosses entreprises parisiennes, oui, bah, pas mal, oui, oui, ah. Oui. Et puis, bah, même pas peur. Hein. Ouais. C'est bien, c'est bien. Ouais. Et en fin de compte, ça a marché après ? Oui, oui, oui, ça marchait pour certains, pas pour tous. Non, mais... non. Et puis, bon, alors, le lendemain, bon, il était content, il avait reçu une réponse, et puis il a dit, bah, aujourd'hui, on fait une fête des sardines. Et bah, il avait acheté toutes les sortes de sardines... En boîte, alors. En boîte, qu'il d'accord, trouvait. D'accord. Et puis, il avait enlevé mon bureau et son chevalet, et il avait étendu un grand drap par terre. Et puis, il avait mis des assiettes, et puis, on s'est fait une fête des sardines. On a ouvert toutes les boîtes de sardines, d'accord. Du pain, et puis toute la famille, on s'est assis par terre. Alors, lui, il était à poil, et sa femme, ouais. Était à poil aussi ? Non, non, non, ah. Elle était normale, elle était habillée. D'accord. Puis, mais lui, la plupart du temps, il était à poil. Ouais. Et puis on a mangé nos sardines. Voilà, ça c'est un souvenir qui t'est resté. Ah oui, oui, et puis bon, bah, j'arrivais, il me disait, bah, aujourd'hui je ne suis pas là, je vais chez Christian Dior. Bon. Donc il allait chez Dior pour habiller toute sa famille. Ah oui, d'accord, il avait un sacré train de vie. Oui. Mais oui, mais à côté de ça, c'est moi qui lui ai amené le pain le matin pour le petit d'accord, déjeuner. Hein. D'accord, d'accord. Voilà, donc, bon, après ça, ça a duré 9 mois à peu près. Ah, d'accord. Et puis, bon, ma mère m'a dit, bon, c'est quand même un peu bizarre comme travail, trouve-toi autre chose. Donc, j'ai regardé les annonces et je me suis présentée rue du Cardinal Lemoine. D'accord. Dans une agence immobilière qui cherchait quelqu'un qui parle au moins anglais, si possible allemand aussi, espagnol. Hein. Et donc, je me présente et il me dit bonjour. Il s'appelait Lévy et Cohen. Donc moi je me présente et puis ils se présentent et puis ils me disent voilà on cherche quelqu'un pour faire la location des appartements en courte durée pour les touristes et ça va s'appeler At Home in Paris. D'accord. Et est-ce que ça vous dirait de vous occuper de ça? Oui, bien, bon. Qu'est-ce que tu avais à faire en fin de compte? Ben, j'avais à visiter les appartements. D'accord. On avait aussi une agence. D'accord. Immobilière où ils faisaient de la location essentiellement pour les étudiants. D'accord. Et tous les jours. En fait, ça avait été assez astucieux parce qu'ils avaient créé une association. Et les gens, pour consulter les annonces, devaient être membres de l'association. Ah oui, ils faisaient ça, oui. Et donc, tous les matins, quand on ouvrait, tu avais au moins 15-20 personnes qui attendaient déjà pour trouver un logement. Pour trouver un logement, étudiant. Une chambre étudiant ou même appartement, etc. D'accord. Et donc, quand j'avais du temps, je m'occupais de ça aussi. J'allais visiter les appartements. Et puis, j'allais visiter les appartements pour la location courte durée. D'accord. Et puis après, amener les visiteurs, leur montrer les appartements, les installer si ça leur convenait. D'accord. Et bah, ça fonctionnait très bien, c'était sympa. Et puis je me souviens une fois, bon, je prends mes clients. C'était dans le 7e, je ne sais plus où, mais c'était au rez-de-chaussée. Et puis... j'avais les clés de l'appartement et puis j'ouvre l'appartement et puis je fais rentrer mes clients, c'était un couple. Et puis je me dis, mais merde, mais ils sont partis, ils n'ont rien rangé, il y a encore la vaisselle dans la cuisine et le lit est défait. Tu veux parler des précédents locataires ? Non, non, non. Tu dis, ils sont partis. Bah, les propriétaires, ils louaient. Ils partaient en vacances, ou les locataires, ils partaient en vacances d'accord. 15 jours, et pendant ce temps-là, ils louaient leur appart. D'accord. Donc, et puis on va dans la chambre, le lit était défait. Je me dis, mais ça ne correspond pas du tout, mais qu'est-ce que c'est ? Et tout d'un coup, je me rends compte que je m'étais trompée d'appartement. L'appartement que je devais louer était à gauche. D'accord. Et là, je l'ai pris à droite. Oh. Alors, je lui ai dit, excusez-moi, non, je me trompe. Bah, ouais. Heureusement, le propriétaire n'est pas arrivé. Hein, ah, d'accord. Parce qu'il serait arrivé... Oui, ça faisait désordre. Ouais, ouais. Là, l'autre appartement était bien rangé. Ouf, je n'ai plus à saler, mais... D'accord. Mais genre... Voilà, donc je fais ça à peu près une année aussi. D'accord. Et puis de là, bah, j'avais rencontré une copine qui partait. Non, pas encore. J'avais vu une annonce et pour une secrétaire bilingue, trilingue, à l'opéra. C'était aussi, il louait des bureaux et il proposait un service de secrétariat et de standard au rez-de-chaussée pour les entreprises qui voulaient, qui louaient les bureaux. À la journée ou à la semaine, d'accord. Okay. Donc là, je me suis présentée et puis ils m'ont pris. D'accord. J'avais jamais eu beaucoup de mal à trouver un boulot. Ah, mais à cette époque-là, tu répondais à une annonce, tu avais 90 chances d'être... Ouais. Mon avantage, c'est que tu parlais toutes ces langues. Français, anglais, allemand, espagnol. J'avais pas peur et que j'avais un bon contact. Et donc... Et voilà, donc là, on m'a embauché et puis on passait notre temps surtout à appeler des numéros pour les entreprises. Ah d'accord, tu faisais du standard. Par le 15, le 16, la province, prendre les notes aussi. D'accord. Parfois taper les lettres, mais ça, moi je préférais faire du téléphone que taper les lettres. D'accord. Donc, mais parfois, tu passais des heures à attendre que... Le téléphone, ça ne marchait pas fameusement bien, Alors, surtout à l'étranger. Tu avais plusieurs postes, et puis, tu attendais, et puis tu rassurais ton client en disant, non, je ne vous ai pas oublié. Et je fais ça une année, et là, je rencontrais une fille qui me disait, je pars et je connais quelqu'un qui cherche une secrétaire, c'est un antiquaire. D'accord. Donc, viens, je vais te présenter l'antiquaire. Donc, je suis allée au début de la rue Royale, à Saint-Honoré, au coin de la rue Royale, rencontrer Jacques Cougel, antiquaire à Paris. Oui, belle maison, ça. Oui, très belle maison. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Il était bien, ce monsieur? Oui, il était très bien, oui. On avait trois étages quand même, on avait 500 mètres carrés de surface de vente. D'accord. Et moi, je m'occupais donc de l'importation et l'exportation des antiquités. D'accord. Import ce qu'il avait acheté à l'étranger et export ce que les clients achetaient chez nous et qu'il fallait leur envoyer chez eux. Il avait des spécialités, cet antiquaire, et des choses qu'il a fonctionné C'était plus. Essentiellement l'orfèvrerie, il était très bon en orfèvrerie, 17e, 18e. Meubles aussi, un peu de tableaux. Là où il n'était pas bon du tout, c'est la porcelaine. Ah oui, La porcelaine, il se trompe, il achetait que des merdes. Et il se faisait engueuler par sa vendeuse qui était spécialiste. Il connaissait bien le sujet. Et il allait tous les jours à l'hôtel des ventes, d'accord, à Drouot, pour regarder les ventes. Mais ça allait extrêmement vite. Il passait à peu près un quart d'heure. Mmh. Et les autres antiquaires et acheteurs, souvent, ils essayaient de voir ce qu'ils regardent. Ah oui, d'accord. Il allait visionner les objets de la future vente qui avait lieu. De toutes les ventes qui l'intéressaient. C'était avant la vente. C'était avant la vente. Il allait chez Drouot tous les matins. Tout à fait. Mais quand il allait dans les salles, il ne regardait ni à gauche ni à droite. Il marchait droit devant lui et c'est ses yeux qui regardaient un peu pour voir l'objet. Oui, et pour ne pas montrer son intérêt à ses concurrents. D'accord. D'accord. Et puis, il avait trois ou quatre personnes qui ensuite achetaient pour lui. Ah, d'accord. Oui, parce qu'après avoir fait cette visite, il disait à Jacques, eh ben, ouais, tu vas m'acheter ça, tu vas m'acheter ça, à Paul, ouais, c'est pareil. Tu t'arrêtes à tel prix. D'accord. Etc. Et puis, une fois, c'était le drame, je me souviens plus que c'était comme objet, mais il avait oublié qu'il avait chargé quelqu'un pour acheter. Et puis, il a chargé une deuxième personne pour l'acheter. Ah oui, elles se sont tirées la bourre aux enchères. Et il n'avait pas donné de limite de prix. Il a dit, vous allez jusqu'au bout, je le veux. D'accord. Et donc, les deux, ils se sont concurrencés. Ouais, ouais. Et comme ils ne se connaissaient pas, d'accord. Ils ne savaient pas qu'ils achetaient pour la même personne. D'accord. Et heureusement, le commissaire était aux anges, bien sûr. Oui, bien sûr. Et heureusement, il y avait une des personnes qui, tout d'un coup, s'est dit « Non, mais je ne vais pas plus loin, ce n'est pas possible, ça. » D'accord. Donc, il a eu un truc qu'il a payé quand même. Une fortune. Une fortune. Mais bon. Bon, voilà. Il pouvait assumer. Il pouvait assumer. D'accord. Donc, moi, je faisais export-import, un peu de secrétariat, d'accord. Et puis un peu de compta, et puis un peu de vente quand il fallait, et puis un peu de tout. D'accord. Mais il était, oui, il était gentil, on était, il nous payait tous les jours, il nous envoyait chercher une glace à la durée. D'accord. Chez la durée, à côté. Et à 5 heures, de toute façon, tout le personnel, on était quand même une dizaine. Tea time. On prenait le thé ensemble. C'est bien, c'est avec sympa. Le patron. C'est sympa. Même le coursier, le chauffeur. C'est bien. Oui, mais c'est des moments de convivialité qu'avaient les chefs d'entreprise d'antan, hein, parce qu'ils savaient. D'accord, alors tu as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant 4 années. Ah, quand même. Oui. D'accord. Bon, entre-temps, j'avais rencontré Jean Daniel. Ah, mais avant de parler de Jean Daniel, j'aimerais que tu nous parles de Daniel Ito. Où est-ce qu'il était, Daniel Ito? Daniel Ito, il était en Bolivie. En Bolivie, ouais. Chez mon père et ma belle-mère, chez Hilde. D'accord. Et où il allait à l'école. D'accord. Et puis grandissait avec les autres enfants de mon papa. D'accord, ok. Voilà, donc... Et il est revenu en France en quelle année, Daniel? Il est venu en France en 72. 60, oui, il avait 5 ans à peu près. D'accord. Ouais. D'accord, ok. Ouais, vers là. D'accord. Ouais. Et donc, j'habitais rue de Vaugirard à ce moment-là. Alors, t'habitais avec Jean Daniel? Oui. Ouais. Oui. Alors, tu l'as rencontré comment, Jean Daniel? Alors, j'ai rencontré comment? Je vais faire un petit retour en arrière quand j'habitais rue d'Assas avec ma copine qui venait d'Argentine. Oui. Le premier dimanche où on avait aménagé, c'était aussi un week-end du 1er mai où il y avait un grand week-end. D'accord. Tout d'un coup, donc Julie et Georges étaient partis à la campagne. C'est qui, Julie et Georges? C'était les locataires en chef de l'appartement et qui nous avaient sous-loué une chambre. Ah, d'accord. Et bon, ils partent à la campagne. Et puis ça sonne, dimanche après-midi. Et puis il y a un noir devant la porte. Hein? moi. Alors, moi, je lui dis, mais monsieur, je ne vous connais pas. Ah, il me dit, bah, laissez-moi entrer, je sais où elle est. Je dis, mais non, je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne sais pas si la cocotte minute est à vous. Donc, je suis désolée. Bah, vous revenez lundi quand Julie et Georges sont de retour. Alors, il était un peu surpris parce que bon, il avait besoin de sa cocotte. D'accord. Et puis il revient le lendemain et puis dit à Julie, mais qui c'est cette nana là qui veut pas me laisser rentrer pour prendre ma cocotte? Et Julie lui dit, oui, bah c'est une nouvelle, elle n'est pas au courant, elle arrive d'Allemagne, bon. Et puis, il fait rentrer le noir, qui s'appelait Roger, qui travaillait chez IBM. Et puis, il me présente. Et puis, Je m'excuse, je dis excusez-moi, mais dans mon pays, c'est bon, on ne fait pas comme ça. Donc, enfin, et il me dit, bah, écoutez, pour vous pardonner, pour me faire pardonner, vous allez venir dîner avec moi ce soir. Ah. Bon, je dis, oui, pas de souci. Tu te draguais déjà. Donc, il me dit, on va aller à Saint-Germain aux Assassins. Ah, et puis j'ai rendez-vous avec un copain, donc je vais vous présenter mon copain en même temps. Donc il me donne l'adresse et puis il me dit à 7h vous êtes là et puis on ira prendre un apéro au drugstore et puis après on ira aux Assassins pour dîner. D'accord. Et c'est là où j'ai connu Jean-Daniel. D'accord. Voilà. Donc Jean-Daniel, il m'a dragué dur. Bon. Dès le premier soir. Hein. Bon. Et puis ça s'est terminé 2 ou 3 jours plus tard chez lui, boulevard de Pasteur à Paris. Ah, il habitait boulevard Pasteur. Il habitait boulevard Pasteur dans l'immeuble qui avait été construit où il y avait aussi, comment elle s'appelait, la dame de l'Express et de. Servance Rébert. Oui, non, pas Servance, la fille, la rédactrice en chef. Est-ce que. Bon, c'est pas grave. Bon. D'accord. C'était un immeuble qui venait d'être construit par la Cogedim, derrière la gare. Ah, d'accord. Gare Montparnasse. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, Jean-Daniel, qu'est-ce qui faisait de beau à cette époque-là? Alors, à ce moment-là, il travaillait à l'Ocora. Alors, l'Ocora, c'était l'Office de coopération radiophonique français-africain. Ah, il faisait des podcasts? Non, il ne faisait pas de podcasts, il faisait de la formation, parce que donc ça dépendait en fait de la télé, enfin radio-télé, Radio France, et il faisait l'entraînement à la prise de parole pour les journalistes qui devaient parler à la radio. D'accord. Dans les pays francophones d'Afrique. D'accord. D'accord. Voilà, c'était de la coopération. C'était dans le cadre de la coopération. Ouais. D'accord. Et donc, je croyais que tu m'avais dit qu'il était comédien. Oui, il était comédien, mais le problème est qu'il avait brillamment préparé et commencé sa carrière, puisqu'il avait été chez Barreau, chez Wilson, chez Tassancourt, etc. Ah, belle formation, ça. Oui, oui, il l'avait, mais. En 69, sa femme, avec qui ils avaient eu une petite fille, Clotilde... Donc, il était déjà marié, là, Jean-Daniel. En 69, sa femme, avec qui il avait été marié pendant 5 ans... Donc, son ex-femme. Elle n'était pas encore son ex-femme à l'époque. D'accord. Elle part voir ses parents qui habitaient au Liban. D'accord. Ses parents avaient été coopérateurs et en fait, elle a grandi au Liban, par là. Et donc, elle part avec la fille, Clotilde, pour les vacances d'été. D'accord. Et au mois de septembre, il reçoit un télégramme en disant « Je ne reviens plus, j'ai demandé le divorce. » D'accord. Donc, il est un peu tombé des nues. D'accord. Parce que c'est bon, il ne s'attendait pas du tout. D'accord. Et du coup, il s'est beurré la gueule pendant 6 mois. D'accord. Et puis, quand tu te beurres la gueule et que tu n'es plus présent, tu perds tous tes contacts, tous tes boulots. Et d'accord. Donc, il s'est retrouvé au chômage et d'accord. C'est un copain qui lui a dit, viens faire ça avec moi. À l'Ocora. À l'Ocora. D'accord. Donc, quand tu l'as connu, toi, il était plus comédien, officiellement. Il était comédien tous les jours à la maison, oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a frappé chez ce garçon, ce monsieur, parce que t'es un peu plus âgé. Il était plus âgé. Qu'est-ce qui m'a frappé? Il était charmant. D'accord. Il m'a fait rire. D'accord. Il me draguait, mais il draguait tout le monde. Et puis, il était intéressant, il était cultivé, il était intelligent, et donc ça m'allait bien. Puis... Bon. C'était un bon séducteur. Oui. Alors, d'accord. Alors, quand vous vous êtes connus, tu habitais où? Il habitait où, lui? Ben, moi, j'habitais à Assas et lui, il habitait boulevard Pasteur. Donc, j'ai aménagé chez lui. D'accord. T'as aménagé chez lui? Oui. Okay. Il avait un studio. Bon, c'était pas très grand. D'accord. J'ai aménagé chez lui. D'accord. Et après, il me semble que tu m'as dit que vous aviez déménagé. Ouais. Ouais. Alors, oui, et bah, là, bon, on a vécu là jusqu'à ce que Jean-Daniel m'a dit « Bon, mais t'as un fils qui est en Bolivie, c'est pas normal, il faut qu'il vienne vivre avec nous. » Ça, c'est bien. D'accord. Donc, je me suis dit « Oui, il a raison. » Bon, donc on a fait venir Danito. D'accord. Et tout au début, Danito est arrivé, et puis on vivait tous les trois dans le studio Boulevard Pasteur. Oui, d'accord. Mais bon, ça n'allait pas quand même, c'était un peu à l'étroit. D'accord. Et donc je lui ai dit, je vais chercher un appartement. D'accord. Donc j'ai cherché un appartement et j'ai trouvé quelque chose au 137 rue de Vaugirard, face au métro Falguière. D'accord. Et un 3 pièces, donc le loyer était correct, c'était bien. Et puis Jean-Daniel me dit, moi aussi, je vais déménager. Et coup de bol, l'appartement en face du mien, au 3e étage, s'est libéré 2-3 mois après que j'ai aménagé. D'accord, vous occupiez tout un étage, alors? Donc, on occupait tout un étage. Ouais, déjà, parce que vous êtes renouvelé l'exploit un peu plus tard. D'accord. Voilà, donc... Donc, vous aviez chacun votre appart? Dans mon appartement, moi, on a fait la chambre d'enfant. D'accord. La cuisine. D'accord. Et puis, on y mangeait. D'accord. Et puis, chez Jean-Daniel, on regardait la télé ou on écoutait de la musique. D'accord. C'était le salon. D'accord. Ah oui, donc vous deviez passer par le palier pour aller de la cuisine au salon. Oui, tout à fait. D'accord. Et lui, c'était des petites pièces à l'époque. Hein. C'était pas très grand. Mais lui, il avait fait abattre le mur. Donc, il avait un grand salon. D'accord. Et puis on avait une petite chambre à côté. D'accord. Et Danito avait sa chambre plus son bureau. Mais de quel côté? Dans mon appartement, moi, en face. Ah, d'accord. C'est-à-dire que la nuit, vous étiez séparés. Oui. D'accord. Et puis ça avait l'avantage que le soir, quand on avait des copains, on pouvait faire la fête. Voilà, d'accord. Voilà, donc on a vécu là. Alors, rue de Vaugirard, pendant combien d'années? 3 ans? 2 ans? 2-3 ans? Je ne sais pas. Ouais. Ouais, un peu plus. Un peu plus, puisque Jean-Daniel, il était d'origine de Strasbourg. Alsacien protestant. D'accord. En fait, pendant la guerre, ils sont partis à Nîmes. Jean-Daniel petit et son frère Jacques Ils sont partis à Nîmes pour fuir les Allemands. D'accord. Et ils avaient vécu à Nîmes pendant 2-3 ans, jusqu'à la fin de la guerre. Et pendant tout le temps, Jean-Daniel, il me disait toujours, un jour, je vais retourner en Camargue. D'accord. Et ça revenait... Régulièrement. Tout le temps. D'accord. Pratiquement tous les jours. D'accord. Et puis, donc, un jour, je lui ai dit, écoute, tu me gonfles, parce que maintenant, on va aller voir la Camargue et on va voir ce qu'il y a à acheter. D'accord. Donc, on est parti un été pour voir ce qu'il y avait à acheter en Camargue. Et on est tombé, on avait un peu regardé, on était au Sainte-Marie de la Mer, bien sûr, et à Arles. En Arles. En Arles, pour regarder les appartements et les maisons, mais soit c'était trop cher, soit ça ne nous convenait pas, etc. Et puis, bon, on s'arrête à Nîmes, et de là, on retourne vers la Petite Camargue, et on passe par Beauvert. Et puis, je lui ai dit, bah, écoute, il y a un notaire à Beauvert. Mmh. Et puis, on va s'arrêter chez lui. Donc, on s'arrête chez le notaire de Beauvert, et puis il y a un grand gaillard qui sort, qui dit « Oui, oui, des Parisiens qui cherchent à acheter, j'en ai tous les jours, mais puisque vous êtes là, je vais vous montrer quelque chose. » Donc, il nous donne rendez-vous en début d'après-midi, et puis il nous amène à Galician, et puis il nous montre une petite maison plus ou moins habitée et plus ou moins en ruine. Habitable, ouais. Elle était habitée. Oui. Bon. Un peu rustique, quoi. D'accord. Un peu rustique. Et puis, il dit, voilà, c'est ça. Et Jean-Daniel dit, c'est parfait, j'achète. Combien ça coûte ? 265 000 francs. D'accord. Bon. Alors, Jean-Daniel dit, on va aller à la banque et puis on va prendre un crédit. Hein. Et puis, il appelle ses parents. Oui. Pour savoir s'ils pouvaient avoir un peu de sous. Donc, les parents, ils ont donné 100 000. Et puis, 165 000 d'emprunt. D'emprunt au Crédit Agricole. Donc, à l'époque, c'était facile parce qu'on avait rendez-vous chez le Crédit Agricole, et puis je ne sais pas chez qui, Gibelin, le notaire nous avait donné un nom, et puis le gars nous dit pas de souci, hein, vous travaillez, bon, d'accord, voilà. Bon, attendez, on va préparer les papiers, et puis. D'accord. Ça, c'était en quelle année ? Ça, c'était en 74-75. Vers là. Je pense que c'était après. De 73 à 77, t'étais chez Google. Oui. Non, alors c'était 78, j'étais à l'UT. C'était 70-71. 80. D'accord. Oui, alors, donc, on va, avant de parler de Galician, ta nouvelle maison, on va clore déjà Paris. À Paris, qu'est-ce que tu faisais là, juste avant de partir ? Alors, à Paris, en fait, je me t'ai fait licencier chez Google. Oui. Pour des raisons économiques, en fait, c'était pas tout à fait vrai, mais je voulais faire une formation à l'université. Donc, j'ai vu que, à ce moment-là, quand on était chômeur, licencié, on avait droit à des formations. Tout à fait. Qui étaient payées par l'État. Tout à fait. Donc, je me suis fait licencier chez Google. D'accord. Et je me suis inscrite au chômage et j'ai demandé ma formation à l'UT. Formation à quoi ? Gestion, technique commerciale. D'accord. Technique commerciale, d'accord. Gestion. Et donc, ça se passait en une année. D'accord. Et donc 78-79. D'accord. J'ai fait ça. D'accord. Et puis, là-dessus, on part, on décide d'acheter en Galician, et puis on décide de créer notre entreprise. Ah, d'accord. Vous l'avez créée à Paris ou à Galician ? À Galician. Nous étions domiciliés à Galician. D'accord. Donc, tu as créé ta petite entreprise à ce moment-là. Ouais. OK. Et Danielito, comment ça se passait, sa scolarité ? Sa scolarité, ça se passait plus ou moins bien. Il faut dire que le début, c'était difficile parce que d'abord, il fallait qu'il apprenne à parler français à l'école. Ah oui, il parlait espagnol. Non, il parlait espagnol et que quand il est arrivé en maternelle, en fait, il était dans un coin. Il y avait un petit noir du Sénégal. D'accord. Puis il y avait lui. Et en fait, on avait un peu mis de côté ces deux étrangers. D'accord. Et il n'a pas eu de chance parce que son école avait été une école des filles. Mmh. Et sa première maîtresse, elle avait eu que des filles toute sa vie. Mmh. Et c'était la première année avant de prendre la retraite où elle avait des classes mixtes. D'accord. Et avec ces deux individus qui n'arrêtaient pas. C'était les seuls garçons au milieu de toutes ces filles. Ouais. Et bon, ça n'allait pas bien. Il était plus puni qu'autre chose. D'accord. Donc, mais bon, il s'y fait. Et puis, après, il a fait l'école primaire. D'accord. Gérard. Puis, d'accord. Bon, ça allait. Ça allait. Oui, d'accord. Oui, oui. Il était sage. Ça dépend. Il faisait des bêtises. Non, il ne faisait pas des bêtises, mais les autres, ils se plaignaient parce qu'il jouait au foot pendant la récré. Il était turbulent, il avait besoin de se dépenser. D'accord. Il n'avait pas l'habitude d'être enfermé toute la journée, toute l'année. Donc, il était vivant, quoi. Donc, parfois, ça gênait. Bon. Il faisait du judo, tu m'as dit. Oui, donc je l'ai inscrit au judo. Oui, c'était bien. Et puis, l'animateur, il l'aimait bien. Il a dit, il est doué. Et si vous voulez, j'en fais un champion. Ah, voilà. Alors, je lui ai dit, non, vous n'en ferez pas un champion parce qu'il n'a pas le caractère pour faire un champion. Il n'aimait pas faire trop d'efforts. Par exemple, je l'avais inscrit à la piscine aussi pour qu'il apprenne à nager. Et puis, il n'a jamais pu vraiment apprendre le crawl parce qu'il ne voulait pas s'entraîner assez, que ça l'ennuyait, que s'il fallait répéter la même chose pendant des heures, il refusait. Donc, je me suis dit, d'accord, pour être champion de judo, ça ne va pas aller non plus. D'accord. Voilà. Donc, en sport, il se débrouillait bien. En judo, il aimait bien ça. Oui, il aimait bien ça. Et puis, il pouvait se défoncer, là. Ouais. Dépenser. Et puis, d'accord. Voilà. Donc, il a fait ça. Il avait sa piscine. Et puis, il avait aussi un peu de foot. Et puis, l'école s'allait, il est rentré avant le lycée, c'est le collège, Boulevard Pasteur. D'accord. Et il passait d'une classe à l'autre sans difficulté. D'accord. Sans trop d'efforts. Voilà, bon, c'était facile. Oui, et puis de toute façon, quand je lui faisais des remarques, il me disait toujours, qu'est-ce que tu veux ? J'ai la moyenne. Pour passer, il faut la moyenne, et j'ai la moyenne. Donc, pourquoi veux-tu que j'en fasse pour plus ? Ah oui, mais j'en connais un autre qui était partisan du moindre effort aussi. C'est ce que me reprochait mon père. Ben voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ça fait une heure qu'on cause. Oui, tu veux qu'on arrête ? Oui. Et puis, la prochaine fois, eh bien, on repartira de ton arrivée, de votre arrivée à Galician. Oui. Et puis de ta vie en Camargue, de ton départ à Nîmes. Oui. On n'a pas parlé de tes bobos quand même, parce que tu as passé du temps à l'hôpital, là. Oui. C'était à Paris. Oui, 76. Ouais. Donc, 67. Ah oui, en fait, je me suis fait licencier parce que j'étais plus vraiment apte à travailler. D'accord, tu avais mal à la hanche. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce que tu as été à l'hôpital assez longuement, si je me souviens bien. Oui, le problème, c'est que oui, j'ai toujours eu mal. Oui. C'est pas là, j'ai pas eu directement mal à la hanche, j'avais mal dans les jambes. D'accord. Déjà depuis tout petit. D'accord. Mais chaque fois, on disait, c'est la croissance. Après, c'est la croissance. Après, c'était les règles. D'accord. Les amygdales. Ouais, toutes les maladies d'enfants. Ouais. Et en fait, ma grand-mère, elle s'est fait examiner par un médecin en 73, il me semble, 73-74, qui lui a dit, parce qu'elle, elle boitait et puis elle avait mal aussi. Et en fait, elle boitait parce qu'elle avait eu une polio enfant. Et puis, en 73, elle avait tellement mal qu'elle est allée voir un médecin qui l'a examiné, qui lui a dit, c'est normal, vous avez une malformation congénitale. D'accord. Des hanches. D'accord. Et puis, lui a expliqué que c'était quelque chose qui était transmissible aux enfants et aux petits-enfants. Alors, elle a dit, oui, mes enfants, ça va, mais j'ai surtout une petite fille qui s'est plaint tout le temps qu'elle a mal. D'accord. Alors, le médecin a dit, vous avez qu'à me les amener, que je les examine aussi. Et donc, elle lui a dit, oui, mais ma petite fille, elle est en France, donc elle m'a demandé à me faire examiner en France. D'accord. Donc, je me suis fait examiner et puis on a constaté qu'effectivement, j'avais une malformation congénitale des hanches aussi. D'accord. C'est pour ça que j'avais mal. D'accord. Voilà. Et là, alors, qu'est-ce que Et donc là, on a dit, si vous ne voulez plus avoir mal, il faut vous faire opérer. D'accord. Bon. Donc, c'est pas facile. J'ai commencé à consulter des chirurgiens. D'accord. J'en ai vu 6. D'accord. Dont notamment les frères Judé à Garches. Des grands spécialistes. Qui avaient une très bonne réputation. Et donc, je suis allée chez eux et ils m'ont dit, on peut vous opérer, etc. Et à ce moment-là, il y a une des copines de Jean-Daniel qui avait, elle, eu un très grave accident de voiture. Et elle avait perdu un pied et qui me dit, écoute, avant de te faire opérer par Judé, va voir mon médecin, mon chirurgien à moi. Puis elle a tellement insisté que pour lui faire plaisir plus qu'autre chose, je suis allée à l'hôpital de la Croix-Rouge rencontrer le docteur Dautry. D'accord. Et Dautry, il m'a examiné, c'est-à-dire quand je suis arrivée à sa consultation, il me dit, vous enlevez tout. Ouais. Tout, tout, tout. Moi, je veux vous voir toute nue. Bon. Ouais, il avait raison. Donc, moi, ça ne me choquait pas plus que ça. Donc, je me suis déshabillée toute nue. Et puis, il m'a regardée recto verso, de haut en bas, de bas en haut, etc. Et puis, à partir de là, après m'avoir examinée, m'écoutée, il a regardé mes radios. Et il m'a dit, oui, effectivement, il faut faire quelque chose pour que vous ne souffriez pas. D'accord. Donc, je peux vous prendre si vous voulez, mais je ne vous mettrai pas une prothèse tout de suite. Vous êtes trop jeune, je vous ferai d'abord des butées. D'accord. De hanches, car une prothèse, ça ne dure pas toute la vie. Et donc, on peut commencer par les butées. D'accord. Et en sortant de là, j'ai annulé mon rendez-vous chez le Judé et j'ai pris rendez-vous chez lui pour D'accord. me faire opérer. D'accord. Et donc, il t'a opéré des deux hanches. Il m'a opéré des deux hanches. Et ça a duré combien de temps, cette affaire-là? Je me suis fait opérer coup sur coup. D'accord. Il y avait, je crois, un mois d'intervalle entre les deux. La même année. La même année. D'accord. Là, j'ai attrapé une infection à. Ah, c'est là où tu as eu le staphylocoque droit. Ouais, on ne savait pas, c'était une infection. Et donc, je suis restée beaucoup plus longtemps que prévu. D'accord. Et puis. Tu es restée combien de temps à l'hôpital, à peu près ? Je suis restée à peu près 6 mois. 6 mois, d'accord, ouais. D'accord. Et puis, parce qu'en plus, ça ne cicatrisait pas. Oui, d'accord. Et puis, il m'a renvoyé chez moi. Et puis, mais j'avais encore la plaie se fermait pas, donc il fallait passer l'eau de mer tous les jours. Je m'injectais de l'eau de mer pour nettoyer ma plaie. D'accord. Et puis, et ça a mis bien une année à se fermer. D'accord. Et ça. Fait, c'est là où tu es parti dans le Midi. Ouais, tu es parti en bon état, quoi. Oui. Bah, il m'avait bien opéré, je me sentais mieux, j'avais plus mal, c'était bien. Ok. Bon, écoute, Michaela, un grand merci, hein, parce que merci on a pour fait ta patience. Une grande. Non, mais écoute, moi, tu racontes bien, ça me fait plaisir. Ça fait 1h05 qu'on parle. Donc, on va s'en arrêter là, et puis la prochaine fois, eh bien, nous parlerons toujours de Jean Daniel, de Galician, et jusqu'à notre rencontre. Ouais. Et déjà en parler. Ben, voilà, mais c'est pas grave. Je préfère que tu te donnes du bon temps et que tu prennes ton temps.